Mais, comme poussé par Béline, sa deuxième femme, Argan tient toujours à envoyer Angélique au couvent, Toinette imagine un stratagème.